était lancé. Couvrez la caisse claire, lâchez les charles et le mic chargé. Comme un Beretta, prêt à cracher. Les mecs du SNAM reviennent, se frayant un chemin parmi les hyènes. Les clones de Boys to Men, les gangsters en lichen. Des années qu'on persiste dans le son, sur en masse à dansant. Comme un virus inoculé à notre insu. Des années que notre médecine n'est pas reconnue par la sécu. Qu'on s'évertue à donner des bonnes vibes sur instru. Au chaud dans le labo, on élabore la dope en clan d'eau. Distille des extraits de funk dans des vapeurs de pavot. Une ordonnance à base de pur jus, de soul et de sens. Notre potion guérit même les pires gothiques dans la souffrance. Thérapie musicale, futile comme Hannibal. Un plan sans accro pour faire planer les frères et les guides. À ceux qui nous croyaient imbibés de formol dans un bocal. Le docteur Groove arrive hal pour chauffer la dance sale. Toujours sur les rails, c'est le retour des Superfly. Lève ton verre pour tous les nazes qui annonçaient nos funérailles. On travaille à mettre des couleurs dans la grisaille. Voir les têtes hochées sur ça, c'est la plus belle des médailles. C'est pour l'amour de la musique. Des mélodies, les hip-hop fanatiques. Les vrais, les passionnés, ceux qui jamais n'abdiquent. Les novices et les frics, ceux qui se lèvent tôt pour gagner du fric. Les flics comme les voyous, les mecs aux acides. Addict à la funk, ça fait un bail qu'on en est junk. Les saisons défilent sans que la passion ne s'estompe. Tant d'heures passées à séquencer, agencer les couplets. À explorer les contrées, sans passeport à présenter. On a essuyé des tempêtes, affronté des orages, mais jamais rien lâché. On a juste laissé les rats prendre le large. Garder le cap avec cette envie d'atteindre le rivage. Même si frêle et l'esquive, on pagaille avec rage. J'entends les bruits dans les couloirs. Les langues de pute s'acharnent. Les pauvres jeunes ne les blâment pas. Ils n'ont que ça pour nourrir leur crâne. Pas le temps de calculer. Ceux qui critiquent non-stop, on focalise sur les lyrics. Et la zik revient mettre notre art au jeu. Sur les rails, c'est le retour des Superfly. Lève ton verre pour tous les nazes qui annonçaient nos funérailles. On travaille à mettre des couleurs dans la grisaille. Voir les têtes hochées sur ça, c'est la plus belle des médailles. Sont de retour dans l'arène. Sur un fat son, les voyelles et les consoles, on égrène. On bosse le truc à fond quand certains croient qu'on hiberne. Fait monter la pression et met le frisson sur l'épiderme. Zongo zongo go zongo zé. Laisse le bon docteur te passer la crème. Zongo zongo go zongo zé. Positive vibe, c'est ça que l'on fait. Mmh, Dr. Groove rise again. Just fly on the funky song high. We just fly on the funky song high.